À chercher, mais ce n'est pas le bon. T'as essayé, mais ce n'est pas le bon. T'as cherché, mais c'est jamais le bon. T'as essayé, mais ce n'est pas le bon. La douleur est toujours plus forte, c'est toujours pareil avec ce type d'homme. J'ai l'impression d'être attiré, ce genre de mec qui ne pense qu'à s'amuser. J'en perds mon calme et j'en vois flou, chaque fois qu'on m'aborde, je les envoie bouler. Mais si je laissais passer le bon, j'arrive à un âge où je veux me poser. J'en ai plus qu'à cesser de tromper, et puis je veux me sentir aimé. Alors stop, stop, stop, stop. Tu cherches un homme qui m'aime. Toi, tu cherches un homme qui marche tout droit. Tu cherches un homme qui t'accompagne à des côtés toute ta life. Tu cherches un homme qui ne voit que toi. Tu cherches un homme qui parle que de toi. Un de ces hommes qui t'accompagne toute ta life. T'as cherché mais ce n'est pas le bon. T'as essayé mais ce n'est pas le bon. T'as cherché mais c'est jamais le bon. T'as essayé mais ce n'est pas le bon. Et ça a toujours l'air compliqué, même quand je veux être moins prise de tête, c'est abusé. Je veux pas d'une histoire gâchée, à base de phrases ou de secrets cachés. C'est peut-être moi qui en veux beaucoup, mais c'est comme ça que je vois l'amour. Une relation fusionnelle, je suis fatiguée des beaux discours. J'ai cherché mais c'est pas le bon, j'ai essayé, il était trop grand. J'ai espéré mais je trouve pas le bon, alors stop, stop, stop, stop. Qui t'accompagne à des côtés toute la vie. Tu cherches un homme qui ne voit que toi. Tu cherches un homme qui parle que de toi. Un de ces hommes qui t'accompagne toute la vie. Je vais finir par te laisser tomber. Les hommes vont me pousser à ne compter que sur moi. Je vais finir par te laisser tomber. Les hommes vont me pousser à ne compter que sur moi. Je vais finir par te laisser tomber. Les hommes vont me pousser à ne compter que sur moi.